Le procédé vraiment nouveau, dont l'auteur a varié le thème, mérite bien un petit bravo, pas une fois dans leur duo. Les amoureux n'ont dit « je t'aime ». Un peu de discrétion, mesdemoiselles. Si nous pouvions planter la rose, c'est ça qui serait rigolo. Mais il nous faudrait les échelles du casino. Tapis de soie, nous passons avec mon don, comme on pourra. Ce que vous faites là est obscène. Je dirais même que c'est dégoûtant. Croyez-vous qu'il est embêtant? Répète, c'est dégoûtant, vous n'avez même pas pris le soin de me laisser un petit coin. Aidez mon cher, si c'est pour ça, ne faites pas ces figures-là. Tout ce que nous regarderons, ma femme, nous vous le raconterons. Oh, oh. Eh bien, passez les yeux, passez la main, poursuivez l'examen. Eh bien, plus rien. Mais que fait donc Hardy Médon? À quoi donc? Ses cheveux languissamment, comme en dormant, et le murmurant. À quoi donc? L'amant, son visage s'épanouit, son œil paraît ébloui. Heureusement que j'ai mon Aspasie pour me consoler de mes infortunes. Bonjour, mon petit amour. La Fifi a son Fifi. Comment qu'elle va? Mais te voilà toute belle, ma jolie. T'es transformée, métamorphosée. Tu as fait un héritage? Ou bien Périclès est passé par là? Ou alors, tu cherches à me séduire?